Partir à l'aventure, c'est Hawaï. Avec tous ses amis, c'est Hawaï. C'est vraiment super cool. C'est quand même toujours bien. C'est quand même toujours, même si ça ne va pas très très haut. Hey, même si ça ne va pas très très Hawaï. C'est quand même toujours bien. C'est quand même toujours bien. C'est quand même toujours. Tourne la roue. Bébé, vas-y, danse tout l'été. Bébé, vas-y, danse tout l'été. Tourne la roue. Bébé, vas-y, danse tout l'été. Bébé, vas-y, danse tout l'été. C'est la chante ragamuffin. Waouh. Hyper fou, ça nous rend super bien, ça nous rend super marijuana, ça nous fait oh. Hey, marijuana, ça nous fait oh, oh. Ça nous rend plus heureux, ça nous rend plus doux, sûrement amoureux. Tourne la roue. Bébé, vas-y, danse tout l'été. Bébé, vas-y, danse tout l'été. Parce que le monde est bon, parce que le monde est... tourne la roue. Bébé, vas-y, danse. Bébé, vas-y, danse tout l'été. Tourne la roue. Bébé, vas-y, danse tout l'été. Bébé, vas-y, danse tout l'été. Tourne la roue. Bébé, vas-y, danse. Bébé, vas-y, danse tout l'été. Tourne la roue. Bébé, vas-y, danse tout l'été. Bébé, vas-y, danse tout l'été. Tourne la roue. Bébé, vas-y, danse. Bébé, vas-y, danse tout l'été.